Chapitre 19e. La tour pointue. Paulin Broquet ne bougea pas. Il continua à regarder le spectacle. Après la femme rousse, après Johan, parut comme la veille un écrit dans le disque de lumière. L'écrit disait cette fois « Je veux que demain, sans plus de retard, tu exécutes mes ordres. Demain, ou dans la nuit, ton châtiment commencera. » Alors, Paulin Broquet, avant que le disque eût disparu du mur, se retourna pour voir d'où partait le faisceau lumineux. Tout doucement, habilement, sans causer le moindre bruit, il vint jusqu'au mur où il jaillissait. Il chercha le long de ce mur, et contre son attente, ne trouva pas de porte qui lui permît de passer de l'autre côté. Pour gagner la salle qui se trouvait derrière ce mur, il devait sortir de la chambre du général, se glisser dans un couloir, faire en somme un assez long détour. Paulin Broquet jugea la chose inutile. Cette poursuite n'aurait pour résultat que de donner l'alarme au prince Grigoriski, au montreur de lanterne magique. Paulin Broquet préférait attendre le jour pour aller dans cette pièce, se rendre compte de l'aménagement de toute cette machinerie fantastique. Toutefois, il se glissa hors de la chambre du général et se faufila dans le corridor pour guetter au passage l'homme aux projections. Il pouvait l'arrêter comme cambrioleur, comme voleur, et c'eût été un coup adroit et heureux. Mais nous savons que le prince Grigoriski était de taille à lutter avec le détective le plus habile du monde. Paulin Broquet ne vit personne passer, n'entendit aucun bruit. Le projectionniste avait fui. Quand le détective se décida à pénétrer dans la pièce d'où partait le disque lumineux, elle était fermée à clé, extérieurement, et absolument vide. « Très bien fait, » dit Paulin Broquet. « Très bien, à mon tour. » Pour lui, cette chasse à l'homme gardait toujours une tournure sportive très captivante. Entre le prince, entre Zigomar et Paulin Broquet, c'était chaque fois à qui serait le plus fort, le plus malin des deux. Paulin Broquet, pour la réussite de son plan, devait laisser le général sous le coup de l'émoi que lui causa cette nouvelle apparition de Johanna. La journée se passa sans incident. La nuit vint, et les terreurs du général augmentèrent parce qu'il n'avait pas vu Paulin Broquet. Il criait après le détective comme après un de ses hommes, et lui envoyait dans le vide toutes sortes d'épithètes dans le genre de celles dont il gratifiait Oussop ou Pouchkine. Fort heureusement, il avait aussi plat pour supporter sa mauvaise humeur. Ayant, comme l'avait dit Paulin Broquet, rencontré au bout de la rue de Grenelle un autre garde républicain, Ossip suivit ce garde, son compagnon, qui trouvait le tombeau jusqu'à la caserne. Il entra avec lui, enleva la selle de son cheval, et en tant qu'ancien cosaque, se mit à soigner convenablement l'animal. Puis son compagnon l'emmena dans sa chambre. On passa le temps à boire, à fumer. À la nuit venue, la morse parut. Il apportait les vêtements du majordome, qui rendit son uniforme, et en voiture, peu après, réintégrait l'hôtel du général, d'où il ne sortit point le lendemain. La nuit donc arriva, terrible, angoissante pour le général, pour Ossip. Le général avait eu la pensée de ne pas aller se coucher dans sa chambre, et de s'étendre tout bonnement sur le lit de camp de la salle des armures. Mais Paulin Broquet lui avait expressément demandé de ne rien changer à ses habitudes et de coucher chaque nuit dans sa chambre. « J'ai besoin que vous y soyez, » lui avait-il dit. Le général ne comprenait pas bien dans quel but, surtout si Paulin Broquet ne se trouvait pas à l'hôtel. « Pourquoi me faire voir ces fantômes ?» Néanmoins, sachant que dans un plan de campagne arrêté, il ne faut jamais rien déranger sous peine de tout faire avorter, il entra dans sa chambre et se mit au lit, souhaitant intérieurement que les fantômes, ce soir, lui donnassent un peu de répit. « Relâche au cinéma !» aurait dit plus logiquement Paulin Broquet. Le sommeil, malgré l'anxiété, s'empara du général. Il s'endormit et se mit à ronfler terriblement. Comme les deux soirs précédents, il fut tiré de ce sommeil profond, lourd. Et le jeu du plafonnier, éteint et allumé tour à tour, commença. Puis, le disque lumineux se montra sur le mur. Mais voici que tout à coup ce disque devint rouge, rouge. Il faisait comme une tache de sang colossale sur la muraille. Puis il s'éteignit, et un autre disque parut à côté, clair, brillant. Dans ce disque, ce ne fut pas la silhouette de la femme rousse qui apparut, mais une vue de Paris. Cette vue, très nette, très reconnaissable, représentait le coin du pont au change, le prolongement du boulevard du Palais, avec au milieu la tour pointue. La tour pointue du palais de justice qu'elle domine est le dépôt où l'on amène les malandrins arrêtés et les salles où on les condamne. La tour pointue, redoutée, effroi des bandits de la basse et de la haute pègre de Paris. Le général s'était dressé maintenant. Il avait reconnu le bâtiment. « Non, cria-t-il, non, je n'irai pas en prison. Non, j'ai payé mon infamie. L'exécution a été faite malgré moi. J'ai voulu rendre son mari à la martyre, et je veux rendre sa fortune à sa fille Amédéa. Ce n'est pas moi l'assassin du prince Grigoriski, pas moi, Johanna, pas moi, j'ai voulu le sauver. » Il allait parler encore, mais un coup de revolver lui coupa la parole. Presque aussitôt, un second coup de feu répondit à celui-ci. Ce second coup était tiré de la chambre même du général. Puis soudain, le lustre du plafond s'alluma. Le général aperçut alors Paulin Broquet, qui montait sur une chaise, avait glissé son revolver dans un trou de la muraille et qui tirait, répondant au coup de feu que de l'autre côté de la pièce voisine on tirait sur lui. Et ce duel à travers un mur ne manquait pas d'originalité. Mais au coup de feu, on était accouru. Les serviteurs du général et Ossip, puis Gabriel, Lamorce, qui, avec leur chef, étaient à la nuit entrés dans l'hôtel Sobarov. Alors ce fut la ruée par les couloirs, la chasse dans la maison, la poursuite folle à travers le parc. Le revolver parla encore de part et d'autre. Paulin Broquet s'était précipité du côté du kiosque. Il savait que c'était par là que le prince passait. Il comptait le saisir au passage, l'arrêter dans sa fuite. Mais il attendit en vain. Le prince ne se dirigea pas du côté du kiosque. Ni lui, ni le compagnon qu'il avait amené ce soir, et que l'on vit fuir, à qui on donna également la chasse, ne passèrent par la porte secrète du kiosque. Ils disparurent, sans qu'on puisse savoir sur le moment quel chemin ils avaient pris. Paulin Broquet, cependant, ne tarda pas à le trouver. Le prince Grigoriski et son compagnon, tout bonnement, étaient passés par la porte. Rien de plus, en effet. L'ordre était donné de laisser passer à n'importe quelle heure et sans aucune objection, sans aucun retard, Paulin Broquet et tous les gens qui l'amenaient. Le prince eut, par des détours dans le parc, dans la maison, lancé les domestiques et aussi, plus ou moins effarés, sur des pistes diverses. Dans l'affolement, ils se heurtaient, se bousculaient, se prenaient les uns pour les autres. Les domestiques allèrent même jusqu'à retenir Lamorce et Gabriel qu'ils ne connaissaient pas. Ils les arrêtèrent, voyant des étrangers, les prenant pour les malfaiteurs après qui on courait. Avant qu'Ossip n'arrivât et pût leur faire comprendre leur erreur, bien du temps se passa, et le prince Grigoriski et le docteur Ruger, sous Athom Tuik et Zygomar, eurent le loisir de fuir très tranquillement, salués bien bas par le portier, qui lui, au loin dans son pavillon, n'avait rien entendu, ne se doutait pas de ce qui se passait dans l'hôtel, dans le parc. Paulin Broquet, encore une fois, venait d'être roulé par Zygomar.